La carpe. Dans vos viviers, dans vos étangs, carpe, que vous vivez longtemps? Est-ce que la mort vous oublie, poisson de la mélancolie?